écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du souspressionpunk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse tous les semaines à partir du souspressionpunk.com, aussi à la radio CHU à Ottawa, CVR, Yellowknife et CFRT, c'est frais, Taïka Luit. Moi c'est Mathieu, je vous fais comme à chaque semaine du punk, du ska et du hardcore tout en français pendant une heure. On a commencé avec du Brigada Flores Magón de l'album Rocker Die, c'était le morceau Ça se paiera, album sorti en 2002. On va continuer avec une autre chanson par un groupe un peu de la même époque, le groupe Bolshoi, groupe français, ont sorti leur album, leur seul album, l'album éponyme en 2004. Je vais faire jouer le morceau Violence Rouge de cet album, alors voici du Bolshoi. We'll be right back. chute sans sans espoir. La ligne de purée, c'est toujours en train de passer. Dans les zombies sont roulés jusqu'à ta mort. Des temps de défense, tu le jour approché. De la vie, t'es même pas lâché. On travaillait, assez, travailler, assez, assez, travailler. Acheter, acheter, on travaillait, assez. sexe, ses idées noires. Avec ses poteaux en comptoir, tout ça, je m'agis maintenant. Quand les actionnaires, les salauds, envers ta délocalisée, ils proposent à d'autogérer l'usine. Mais le syndicat se complice, eut peur de perdre la partie. Signa les accords d'entreprise et sans plus finir du boulot. C'était Cartouche avec Encore un verre de leur album Accords perdus. Cartouche est en train, apparemment en train de préparer un nouvel album. Alors j'ai bien hâte d'entendre du nouveau matériel par le groupe. La chanteuse est impliquée dans le projet, un projet un peu punk électronique qui s'appelle La Toile, pas mal bon, si vous, ça se trouve en ligne, assez facile à trouver, vous allez checker ça. Action Sétion avant ça avec Mémoire brisée de leur album Rapport de force, Jeunesse Patride avec La Gamique, et on a commencé le bloc avec du Bolshoi et leur morceau Violence Rouge. On va continuer maintenant avec un groupe italien, Los Fastidios. Le groupe ont lancé l'année passée, très récemment, un album, une espèce de compilation de morceaux pour fêter les 25 ans du groupe. Ça s'appelle 25 Rebel Years. Et sur l'album, il y a une reprise de Les Partisans et leur morceau Assez, Assez. Alors, je vous fais jouer ça. Les deux chansons, ça ressemble assez que ça paraît que c'est une reprise, mais Los Fastidios ont ajouté leur propre touche afin de faire en sorte que c'est vraiment une chanson aussi de Los Fastidios. Alors, c'est ça, je vais jouer Assez, Assez par Los Fastidios à sous pression. Thank you. Je préfère encore crever que de vivre résigné. La tête elle laisse un peu de peur de mon loup à changer. Assez de ces sociétés qui n'ont fait que le chômage et la précarité. Mais ce monde est fait de vous crever. Mais ce monde est fait de vous crever. Assez, assez. Assez, assez de la précarité. On veut vivre avec dignité. Assez, assez. Assez, assez. Assez, assez de la précarité. On veut vivre avec dignité. Assez, assez, assez, assez, assez de la précarité. On veut de prison, fut recruté par le misérable capté de temps. Ça n'a pas duré longtemps pour ce seul dirigeant qui voulait devenir riche tout en le méprisant. Ils disaient non car il fallait du changement et les broussailles trouvèrent une solution. Une nouvelle voie libre pour une révolution. Allez, je prends le capite dedans et à l'avant. C'est à l'avant, tout droit devant. C'est à l'avant qu'on retrouvera un jour les moussaillons. Imaginons ce que fait cette nation. C'est un patrouille flottant dans le vent. Écarté des frontières, tout se passe sur la mer. Oubliant les systèmes faits pour les moutons blancs. Moi aussi je voudrais être libre comme la mer et arrêter de bosser pour profiter de mon temps. De visiter la terre, de passer les barrières, tout casser en arrière et de devenir un moussaillon. C'est à l'avant, tout droit devant. C'est à l'avant qu'on retrouvera un jour les moussaillons. Le moussaillon et que jamais craché sur la révolution, car il sortira de cette situation. Attaque le chat, c'est la seule solution. Je continuerai à marcher les autres gens en leur montrant mon cul, leur tomber sur leur dos, en se faire faire un faillir par leur belle histoire de leur nation. C'est à l'avant, tout droit devant. C'est à l'avant qu'on retrouvera un jour les moussaillons. Jamais craché sur la révolution, car elle nous sortira de cette situation. Attaquons le chef, c'est la seule solution. Salut, vous écoutez toujours Suppression. On vient d'écouter dans le dernier bloc trois groupes. On a écouté La Gâchette avec Le Moussaillon de leur album En route vers demain. Ultra Pterodactyl avant ça avec La dernière fois de leur EP Sludge Pop. Et on a commencé avec Los Fastidios et une reprise d'une chanson des Partisans, le morceau Assez, Assez. Alors, on est rendu plus ou moins à mi-chemin de l'émission. Si vous écoutez à la radio, allez checker souspressionpunk.com. C'est le site web de l'émission, l'émission basée à partir du site web. Vous pouvez écouter l'émission ou réécouter, voir les chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. On a une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Alors, si vous êtes sur Facebook, allez cliquer j'aime sur la page de sous-pression et votre vie va s'améliorer. C'est une garantie à 100%. Et bien sûr, si vous voulez me contacter plus en direct, vous pouvez le faire par courriel info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com. Alors, je continue la musique maintenant. On continue la musique parce qu'on est tous ensemble sur ce beau voyage musical. Avec le bloc sono mondial, moment où on fait jouer des chansons par des groupes d'un peu partout dans le monde qui chantent dans leur langue maternelle, ni en anglais ni en français, c'est une question de sortir un peu des deux langues officielles du Canada. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe qui s'appelle The Stigma, le groupe est argentin. Les morceaux que je vais faire jouer viennent de leur album B-Sides. Je vais faire jouer La Morale et Espiritual et Cercomi Banalidad. Alors voici des stigmas à suppression. We'll be right back. C'était The Stigma avec la morale et spirituelle et Cercomi Banalidad. On continue maintenant avec The Red Riding et leur morceau Panique. Journée. Les gros lolos, je leur donne mon numéro. la faute à pas de chance. Non, faudrait pas croire, c'est la faute à pas de chance. Tant pis pour la galère, tant pis pour la misère, tant pis pour toi. Si par hasard tu es de ceux qui se disent maudits, ici-bas, les mauvais parleurs disent toujours des choses comme ça. Ces mecs qui plaignent leur vie, qui pleurent toujours leur tort, trop tard. C'est la faute à pas de chance. Non, faudrait pas croire, c'est la faute à pas de chance. Et toi, tu t'en fous du moment que tu ne comprends pas, vraiment pas, car tu n'es jamais là. 1, 2, 3, 4. Pour payer l'augmentation, ma vie fait l'île, Paris ou Marseille. jamais seul. Mais la victoire ne vient jamais seul. Et ceux qui l'ont appris au pied de leurs années, que ceux qui oublient vite rejoignent quand les années. Les flammes renaissent dans nos mémoires. On ne voit pas nos faces, nos fusils vers les places. Les icônes sur les murs promettent la gloire à la classe. Les coups d'entendre nos pas et par des seuls. Pour qui l'espoir brille au fond des yeux. Et ceux qui l'ont appris l'ont payé de leurs années. Que ceux qui oublient puis rejoignent quand les années. C'était Scott and Panic People avec Partisan de leur album Lâcher les bombes. Brun Citron avant ça avec une chanson franchement vraiment niaiseuse. Puis je sais pas si je vais la faire jouer encore, mais c'était des petites abeilles. Trouble avec le morceau Ma Ville. Les Cambron avec le morceau Pas de chance. Les Marmottes aplaties avec J'entends tes cris. Du Amnésie avec les flics. Et on a commencé le bloc avec The Red Riding, le morceau Panic tiré de leur premier démo. J'ai le temps de vous laisser avec un dernier morceau. Je pense que je vais vous laisser avec quelque chose par Guarapita de leur album Politicaria, le morceau Far Far Westline. Je pense pas que Guarapita ont fait de quoi après après leur album Politicaria. Je sais même plus s'il existe. Peu importe, cet album-là puis une couple d'autres à écouter. Et c'est exactement ce que je vais faire. On va vous laisser avec Guarapita de l'album Politicaria, le morceau Far Far Westline. Passez une excellente semaine.